même s'ils sont maison dans le nord ou dans le sud. Oh merde, ça veut rien dire tout ça. Wesh. Doesn't make a sense. On pourrait s'en battre. Bonne impression. Public man. Mais si. C'est juste. J'ai besoin. Un peu de cul. Trop d'émotion. C'est cette année-là. Parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Je veux montrer d'un couteau comme Macron. Je veux aller au sommet. Non, c'est n'importe quoi ces paroles. Je vais aller au sommet comme Macron. Je vais niquer tout le monde à l'instar de Macron. Okay. Cette année-là. Oh, bordel, c'est quoi ces paroles? Je veux monter d'un couteau comme Macron. Je veux aller au sommet comme Macron. Cette année-là. Quelle année de merde, l'Assemblée nationale. Ça va bien. Tu veux pas, non. Non, je crois pas. C'est cette année-là. You're a good player. C'est temps pour moi de faire une pause. Merci. C'était trippant. C'était top. Do you like me? Ah putain, je suis. Me too. I love you too, guy. Ouais. I know. Ouais, moi aussi. Maybe. Mm-hmm. I love you too, guy. All because je vais parler en français. Hein. C'était super, voilà. Comme d'habitude, hein, Yann, tu improvises tout ça. C'est tranquille avec le reste de la bande. Quoi. En tout cas, je vous fais de gros bisous en métropole. Il fait chaud chez vous, chez moi, il fait froid. 10 degrés pour moi, c'est froid, mais il fait froid quand même. Et puis passez une bonne soirée et puis une bonne semaine. Voilà, bientôt. Merci beaucoup. Ah. Oui, avec plaisir.